C'était il y a 2 ans. Avec le temps, vous voyez ce que c'est, hein, les bouffes avec les copains, les repas clients. J'ai pris du ventre. Tiens, regardez. Sauf qu'un jour, mes copains se sont mis à m'appeler Bouboule. Et les filles du bureau ne me parlaient que de mes poignées d'amour. C'était pas méchant, mais c'est devenu agaçant. Et puis insupportable. Ah, mon premier jogging. C'est là que j'ai commencé la cure Gerlinéa. Les repas à boire, c'est pratique. J'avais lu ça dans un journal de ma femme. En fait, je l'ai dit à personne. J'avais un peu honte. Ah, là, c'est moi après 15 jours. 4 kilos en moins. Quand on me demande comment j'ai fait, je ne parle pas de la cure. Aujourd'hui, j'ai 6 kilos en moins. C'est mon poids de jeune homme. Si je n'ai pas de déjeuner, je mange les pauses gourmandes Gerlinéa dans mon bureau. Ça me fait gagner du temps et surtout, ça maintient mon poids. On dit que l'apparence compte moins pour les hommes que pour les femmes. Ben, je peux vous dire que c'est faux. Vous aussi, racontez-nous votre histoire. Envoyez-nous vos photos, vos films sur notre site gerlinéa.com. Gerlinéa, mincir sans regrossir.